À l'occasion de la journée de la jeunesse coréenne, la Radio Nationale du Cambodge, l'agence de presse internet Yellow Page TV et les pages internet russes Patrioti Moskouba et la République Populaire Démocratique de Corée d'aujourd'hui ont fait paraître des numéros spéciaux sous divers titres, notamment « Pays puissance de la jeunesse » et « Les monuments des jeunes, fierté de la Corée tutse ».